Chambre garçon, c'est pour moi. C'est la dame qui repose. Oui, gain de moment. Belle petite promenade dans l'auto. Oui, ma prière des bons dieux. Pour me s'ajoigner un bébé. Petite parole tout petit. Dans mes voisinages, pièce, mon pas tendait. Tellement caresse la douce. Petit mon voisinage, pièce, mon pas tendait. C'est pour moi, c'est la dame qui repose. Oui, gain de moment. Belle diplôme là dans l'auto. Oui, ma prière des bon Dieu. Pour me joindre un bébé. Si parole tout petit, parmi voisinage, pièce mon pas tendé. Tellement caresse la douce. Si mon voisinage, pièce mon pas tendé. Oui, ma relè, bon Dieu dans ciel. Si n'a point garçon ici, yon bel bébé tan kou Gislaine, mais son femme kap karese. Oui, ma relè, bon Dieu dans ciel. Si n'a point garçon ici, yon bel bébé tan kou Gisèle, mais son femme kap karese. Nan pays pam, nan point bagay kon sa. Fom pa komande, fom pa komande. Oh, il n'a pas arrêté avec fom. Nan pays pam, fom pa komande. Mais c'est fom, c'est fom, c'est fom ouye. Nan pays pam, fom pa komande. Mais quand le bagay est fom, mais kamo gen fom. Avec il est mais tout bagay changé. Tout bagay changé, tout bagay changé. Ma obligé, pas les mamans pour. Wal parler pour vous ou fait trop bagay. Ou pas corriger, ou pas corriger. Avec il est fait tout bagay changé. Prêcher roulière. Gardez non. Nous remet la ma prêcher. Nous remet ça. Nous remet ça. Nous remet tendez ma parler. Ma parler net. Net. Net. Où la température a changé. Où la sinon l'autre ambiance nous est. Ambiance facile là. Ou la même sans question de saucisse saucisse saucisse saucisse saucisse saucisse saucisse. Bon, gardez non. Ou qu'on est gros camion quoi. Gros camion Ford là, les blanches là. Il y a encore une boîte derrière elle. Et puis il y a un petit camion encore. Petit camion tout rouge. Petit camion marqué en monco. Nous on est en habitude avec lui. Mais devant ça, c'est un gros camion dérivé. Au fond, le gros camion ça, c'est lui-même qui toujours prend saucisse en monco pour le porter. Non. Maquette. Yo jour samedi quand nous avons un chajac saucisse, la descente vient de bas la ville. Quand nous avons un peu, il passe devant Poscazo. Belle gasoline. Il descend. Il prend la Lidouya, il descend. Il descend. Il arrive à Boasco. Il descend. Il a pris toujours. Il arrive à bon monument des Alines. Il a passé. Il arrive dans le Carrefour ce matin. Il descend. Il passe à Bogar. La foule descend toujours. Jean-Pierre Timas. Rue Macajou. Rue de César. Rue des Fonfort. Rue Bonnefoy. Le moment pour le déboucler. Rue des Miracles. C'est le moment. Je viens de la lumière rouge. Chauffeur pas la lumière rouge là. Chauffeur foncé. Mais, t'es un automobile qui sortit en bas dans la rue des Miracles. Pour Banque Canada qui a râlé monter. Mais plus que chauffeur, quand même, quoi, la lumière rouge. Foncé, mais automobile là, même si lumière vert, il y a un droit de passage. Il faut chier tout. Il faut chier. Oh oh. Avec qui mon al font collision avec un homme ou pas? Chauffeur camion quoi même? Font coup de volant. Bredé a détaché. Il tombe dans ciment. Go! Saucisse gaillé. Saucisse? Mais gros, c'est saucisse yo. Mais longue saucisse yo. Saucisse, saucisse. Oh oh oh. Mais, t'es qu'on femme, ou malheureuse, ou bonne malheureuse, qu'aveugle, les chitans bagalé, les bâtards. Quand on voit ma chante pissache, chant yo kon chita, ma chante surette yo. Malheureuse à chita là, l'imlo vitimène l'a demandé. Tout le monde qui l'a gonti 20 centimes ou 15 quoi, li prenni. Mais l'aveugle, pop malheureuse. Pendant que Bret a détaché dans le camion, se tombe dans le ciment. L'aime d'où ça? Saucisse volée. Mais quoi son saucisse? Quand elle tombe dans l'estomac, malheureuse. Malheureuse, pop! Li prend saucisse là. Li roule. Li roule saucisse là. Loule, loule. Femme dans le oui! Si tout le monde va mourir, mes chauffeurs mourir. Deuxième page. Regardez non. Cool, à côté de moi, moi, danser. Moi, je danser. Et vous ne pouvez pas qu'il y a un côté là qui pas dans des ordres. Petite mon yon. Et moi-même, regardez côté bien, je chante dans des ordres. Mais ou bien avec moi, puis je ne vais pas plomber non. Vous comprenez? Pas plomber non. Pas plomber non, du tout, du tout, du tout. Vous comprenez? Bien avec vous. Mais, il faut me raconter ce petit monde. Il y a des questions que je ne pas poser. Il y a des questions parfaites pour poser. Tendez ça, M. Divia. Oh chéri, depuis des mois, je vais l'emballer avec vous, je vais danser avec vous, bagaille, son série de bagaille. Nous courons, nous faisons la go, nous allons cacher ensemble. Ou faisons comme ça, il faut qu'on s'attende, vous comprenez? Mais il paraît que je passe même au Tijan, bagaille. Moi, on dit que j'ai un monde qui manquait de fourniture. Il a dit, oh, ça veut dire fourniture. Ça veut dire fourniture. Oh, oh. Il a saisi. Il a dit qu'il y a des questions pas faites pour poser. Quelle question poser là? Parlez clair. Soit dit, non, parlez ni clair. J'ai dit, ma chère, bagan, il y a pour me cacher. Bagan, il y a pour me cacher. Ma bonne vérité. Moi, tant que j'ai un monde qui manquait de fourniture, vous comprenez? Quand un monde qui manquait. Cheveux, ouais, cheveux. Petit fille a saisi. La petite fille a tombé crié même là. Il m'a dit depuis l'autre jour, je m'appelais d'aller en balade avec vous. C'est la qualité de question à poser. Même depuis tout, toute vérité, peut-être tout bagaille, je ne vais pas cacher. Dédiou, Mais condition, où est vieille? C'est moi, mon café de maman, j'ai ma zoombelle. Commander, il n'y a pas été avec femme. Un pays pas commander. C'est femme, c'est femme, c'est femme, oui. Un pays pas commander. Mais quand il y a une femme, mais coupé une femme. Alors qu'il aime, mais tout bagage changé. Tout bagage changé, tout bagage changé. M'a pas obligé, pas les mamans pour vous. Pas les palais pour vous, vous faites trop bagage. M'a demandé qu'il a ou à corriger. Ou pas corriger, ou pas corriger. Alors qu'il aime, mais tout bagage changé. Tout bagage changé, tout bagage changé. Lâchez de maille. Lâchez même demi-maille. Lâchez. Passez le boulon. Sorti boulon, toi, huitième. La pété dans mes mains. Lâchez le patin des abdos. Lâchez petit boulon. Fais-moi faire mes lents. Vous voulez voir la gueule. Regardez, non. Sacrimenté à cause ça. Ah bon, c'est flashou. Bon, ok.